Les trouvailles de Monsieur Bretoncelle par Champ Fleury, Jules François Félix Husson, lu par Éric pour Audiocité. Le célèbre agent de change Bretoncelle était un amateur de haute curiosité. On entend par là des curiosités qui ne sont pas toujours curieuses. Mais leur prix élevé donne à croire aux gens qui s'en rendent acquéreurs que, par là, ils offrent quelque ressemblance avec les Médicis. Et ainsi, entassant dans leur salon, qui ressemble à des boutiques de bric-à-brac, émaux, jade de Chine, armes damasquinées, cristaux vénitiens, ils se regardent comme des protecteurs de l'art. Pendant l'automne, Monsieur Bretoncelle passait un mois de vacances dans une riche propriété sur les bords de l'Oise, et son temps n'était pas inoccupé. Là, comme à Paris, la manie des curiosités ne le quittait pas. Il courait les environs à pied, et les objets que certainement il n'eût pas regardés à l'hôtel des Ventes lui semblaient merveilleux lorsqu'il les trouvait en furetant. Un chasseur qui ne rapporte rien dans son carnier tue un moineau de buisson, se fait apprêter à déjeuner et le trouve meilleur qu'une bécasse. Il en est de même du collectionneur. Un jour, l'agent de change avait ainsi battu tout le pays pour la grande fatigue de ses jambes qui demandaient grâce. Il était 5 heures du soir. Monsieur Bretoncelle rentrait mélancoliquement au logis les mains vides, lorsqu'à la porte d'un cabaret, il avisa un dressoir chargé de vaisselle grossière. Aussitôt voilà un homme en arrêt, regardant si quelque objet précieux ne se cache pas dans la pénombre. Entrez, monsieur, dit la cabaretière, qui, voyant un homme fatigué, lui offre une chaise. Au lieu de se reposer, monsieur Bretoncelle fait le tour de la salle, jette un regard ardent sur chaque coin enfumé, et enfin s'arrête devant le manteau de la cheminée où était pendue une vieille écumoire. L'agent de change la décroche, la tourne, la retourne, et regarde au jour cette passoire d'un médiocre intérêt, sauf que les trous, par une ingénieuse disposition, formez le nom et la date de 1749. Combien vendriez-vous cette écumoire? Dit-il. La cabaretière se fait d'abord prier. L'objet vient de sa grand-mère, et il lui coûte de s'en défaire. Mais comme monsieur Bretoncelle insiste, moyennant 10 francs, il devient possesseur de l'écumoire, qu'il étudie plus à l'aise, assis sous le manteau de la cheminée, frottant le cuivre pour lui rendre son aspect primitif. Deux paysans étaient attablés dans le cabaret devant un pichet de cidre, causant de procès, de fermage et de récolte. « Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Demande l'un d'eux à la cabaretière, qui répond qu'elle vient de céder à un chercheur de vieilleries une passoire pour une bonne somme qui lui permettra d'en acheter une neuve, avec une paire de poulets par-dessus le marché. Si c'est ça, dit le paysan en élevant la voix de façon à se faire entendre de monsieur Bretoncelle, j'ai à la maison une fameuse antiquité. Antiquité? L'agent de change dresse les oreilles et demande au paysan de quoi il s'agit. Je n'en sais pas davantage. Les enfants ont trouvé l'objet dans le grenier. Et je vous garantis qu'il y était depuis bel âge. Grenier, longtemps, sont les seuls mots qui frappent tout amateur. Monsieur Bretoncelle presse de questions le paysan. Voilà, tout ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que ça brille, qu'il y a comme un ange doré et de l'écriture dessous. Brille, écriture. Ange doré s'ajoutent à grenier et longtemps, et fournissent un fond d'induction qui peuvent mettre sur la trace d'un objet précieux. L'agent de change se lève, promène ses inductions et n'en tirant rien se rassied. Que représente cet objet? Malheureusement, il n'y a pas de maître d'école dans nos contrées, sans quoi je me suis déjà dit que je lui aurais donné l'écriture à déchiffrer. Est-ce un tableau? C'est un tableau sans lettres. Pour sûr, il y a du métal. Du métal? S'écrie l'agent de change en ouvrant de grands yeux comme pour apercevoir l'objet. Est-ce grand? Ni trop grand, ni trop petit. Enfin, de quelle taille, à peu près? Monsieur, sous votre respect, comme le cul d'une casserole. Là-dessus, le paysan se lève et endosse sa carnassière. Vous partez déjà, mon brave homme? J'ai une lieue avant d'arriver à la maison. Vous accepterez bien un verre de vin pour vous donner des jambes. Ce n'est pas de refus, monsieur. La bouteille sur la table. Vous dites qu'on remarque de l'écriture et un ange? Attendez, je me rappelle maintenant. L'ange joue de la musique. Il souffle dans une trompette. Sujet religieux, se dit l'agent de change avec légende explicative. Il se lève, décroche une casserole et la porte sur la table. L'objet est donc de cette taille? Juste, monsieur, sauf que le dessus n'est pas plat. Il est comme bombé. Et sans doute creux en dessous, reprend monsieur Bretoncel. Ma parole, vous parlez comme un sorcier. L'agent de change a peine à cacher son émotion. Sa respiration est oppressée, son cœur palpite, ses mains tremblent. Il n'y a pas à en douter, il s'agit d'un émail. Aussitôt, un inventaire sommaire se fait dans le cerveau du collectionneur. L'objet gît dans un grenier où il était caché, il y a bel âge, suivant le mot du paysan. Donc, il est très ancien, il brille. Un ange sonnant de la trompette est représenté avec une légende dorée en exergue. Le métal est à la fois concave et convexe. C'est assurément un merveilleux émail, provenant d'un ancien château ou de quelque couvent des environs. Quelle gloire de tirer de l'obscurité un admirable ouvrage de Léonard Limousin ou de Pierre Courtois. Pourtant, il faut cacher toute émotion, de peur que le paysan ne s'en aperçoive. Ces gens de campagne sont si retors. Monsieur Bretoncel est sur le point de faire un coup. Des palpitations l'en avertissent. On peut voir cet s'écrie l'agent de change, faisant rentrer violemment la dernière syllabe dans son gosier. Oh, monsieur, la vue n'en coûte rien. Vous pouvez même, le jour qu'il vous plaira, vous donner la satisfaction de voir mes mioches faire la dinette dedans. Les scélérats, s'écrie monsieur Bretoncel. S'il vous plaît, comment vous laissez des enfants jouer avec un tel objet? Il faut bien que les mioches s'amusent. Mais déjà n'ont-ils pas détérioré cette... Il est solide, le vernis le protège. Consentiriez-vous à me céder cette antiquité? Dit l'agent de change. Je ne dis pas non, monsieur. C'est les enfants qui y tiennent le plus. J'ai presque envie de vous accompagner. Avec plaisir, monsieur. Il n'y a qu'une lieue. Madame, dit l'agent de change à l'hôtesse, servez-nous 3 petits verres d'eau-de-vie de votre meilleur. Comme il s'agit de se mettre tout à fait dans les bonnes grâces du paysan, monsieur Bretoncel boit de l'eau-de-vie. Non sans grimace, et trinque avec l'homme. On se met en route. Mais à 10 pas de la porte, le paysan revient sur ses pas, sous prétexte de chercher sa pipe. « Sans indiscrétion, Lamelle, dit-il à l'aubergiste, combien de bourgeois a-t-il payé l'écumoire ?»« Voilà la pièce, dit la femme, en tirant de sa poche les 10 francs. « Bon, s'écrie le paysan, qui, ayant allumé sa pipe, revient l'air indifférent vers son compagnon de route en envoyant de grosses bouffées de fumée. On parle des enfants. L'agent de change questionne sur leur âge, leur sexe, et comme en ce moment on passe devant l'épicier du bourg, Monsieur Bretoncel prie l'homme de l'attendre, entre dans la boutique et en ressort quelques instants après, chargé de poupées, de polichinelles, de sacs de bonbons. « Comme vous voilà harnaché, monsieur, dit le paysan, ces joujoux-là vont vous gêner pendant la route. » « Votre petite fille m'intéresse, répond l'agent de change, et je me fais un véritable plaisir d'offrir ces jouets à vos enfants. » « Vous allez leur faire l'effet du bon Dieu, ma parole. Les enfants de chez nous ne sont point habitués à de pareilles largesses. » Pendant une demi-heure, la conversation roule ainsi sur des matières indifférentes. Monsieur Bretoncel affecte de ne pas parler du hasard qui, en le jetant sur la trace d'une merveille, la conduit par les chemins chargés de paquets de toutes sortes. Cependant, de temps en temps, il revient à l'objet de sa recherche. « Vous ne craignez pas de laisser manger vos enfants dans du cuivre ?»« Puisque je vous dis, monsieur, que le creux est verni comme le dessus. »« C'est bien un émail, » se dit l'agent de change. Tout au loin brillent à travers les peupliers les toits d'ardoise d'un corps de ferme. Le cœur de l'agent s'épanouit. Encore une portée de fusil, et la merveille apparaîtra à ses yeux. « Ce n'est point là notre village, » dit le paysan. « Nous ne sommes encore qu'au bourg, où nous nous approvisionnons. » Monsieur Bretoncel pousse un soupir. Les paquets de poupées et de sucreries commencent à l'embarrasser. Et il faut les porter à des morveux qui ont peut-être endommagé un précieux objet d'or. Mais la dissimulation est nécessaire pour arriver à la possession. Et l'agent de change refoule au fond de lui la gêne qu'il éprouve. Les voyageurs traversent la place du bourg où un gros bas en soie se détache de la façade d'un magasin de cotonnade. « C'est pour le temps ici, dit le paysan, que ma femme m'avait recommandé de lui acheter une robe. Malheureusement, il y a eu du tirage au marché aujourd'hui. Les grains sont en baisse. Ce sera pour une autre occasion. » L'appel à la générosité du collectionneur est clair. Mais les femmes sont dures en affaires, et il est bon de les amadouer. « Si une robe peut être agréable à votre ménagère, dit Monsieur Bretoncel, qu'à cela ne tienne. » En même temps, il entre dans la maison du grand bas bleu, et d'un geste, désignant une étoffe à l'étalage, « Montrez-moi cet émail. »« Émail ? » répète la marchande étonnée. « Et même, fait l'agent de change effrayé, regardant si son compagnon ne l'a pas entendu. Mais le paysan est assis sur le pas de la porte, rêvant au hasard qui lui a fait rencontrer une telle vache à lait. Monsieur Bretoncel, l'étoffe coupée, sort avec un nouveau paquet sous le bras en disant « Ah, si mes confrères de la bourse me voyaient en cet équipage !» La passoire de cuivre est accrochée à un bouton de la redingote. Les paquets de bonbons sortent à moitié des poches. Les deux mains retiennent des poupées et des polichinelles, et sous le bras gauche, l'agent de change porte la robe enveloppée. Le paysan offre de le décharger de la moitié de ses paquets. Mais M. Bretoncel, par une superstition commune aux collectionneurs, n'y peut consentir. Il ne peut faire aucun mouvement de bras. Sa marche est gênée. Cette gêne et cette contrainte ne sont pas sans charme. Par là, l'amateur se souvient à chaque pas qu'il marche à la conquête d'une merveille. Si ses nerfs en souffrent, l'émail reluit d'un plus vif éclat dans le lointain. Monsieur Bretoncel pense au duc de Coyon-la-Tour, qu'il a rencontré dans les rues de Paris, portant sur ses épaules un énorme buste en marbre qu'il venait d'acquérir, et il se dit que lui aussi, pour marcher sur les traces d'un collectionneur illustre, doit porter la croix de la curiosité. « C'est une chance, tout de même, de vous avoir rencontré, monsieur, dit le paysan. Tous les gens de la ville ne sont pas si généreux. Le chemin est-il encore bien long ? Dans une petite demi-heure. Et voilà 2 heures que nous marchons. Eh, monsieur, je vous avais bien prévenu qu'il y avait une bonne lieue. Une bonne lieue ? S'écrie monsieur Bretoncelle effrayé. Car si une lieue de paysan en vaut deux, combien peut représenter une bonne lieue ? Patience, monsieur, nous voilà bientôt au Quercy. Vous voyez le clocher ? Ah ! S'écrie le boursier, ce clocher, tout là-bas. Après le Quercy, en forçant le pas, il n'y en a pas plus que pour un gros quart d'heure. À ce mot de gros quart d'heure, monsieur Bretoncelle manque de laisser tomber tous ses paquets sur la route. Heureusement, dit le paysan, nous allons trouver à la porte du Quercy une auberge où on vend du petit blanc sec comme une pierre à fusil, qui rendrait des jambes à un molibond. Grâce à un violent effort, l'agent de change arrive à l'auberge, où il jette sur la table poupée, polichinelle, passoire et robe. « Vous êtes en retard aujourd'hui, sirop, dit la cabaretière au paysan. La nuit va vous surprendre avant d'arriver. »« Nous avons causé avec monsieur, dit sirop. » »« Décidément, dit monsieur Bretoncelle, éclatant, combien faut-il de temps pour arriver chez vous ?»« En traversant le Quercy dans toute sa longueur, nous serions chez nous pour le souper, mais je dois vous dire, sirop se grattait le front, parlait. » C'est que je suis obligé de faire un détour dans les terres. Dans les terres? Sans doute le pavé est préférable, mais au milieu du village, il y a la maison d'un gardien de juge de paix, qui me donne des tremblements de colère quand je passe devant. Certainement, ce chemin-là raccourcirait la route de 20 bonnes minutes. Il faut le prendre, s'écrie monsieur Bretoncelle, partons. Et il endosse ses paquets. Mais si le gardien de juge est devant sa porte, je ne réponds pas de moi. Il arrivera un malheur que vous vous reprocherez toute votre vie. De quoi s'agit-il? Pour vous dire la vérité, monsieur, voilà ce que c'est en quatre mots. J'étais en retard d'une petite amende de 18 francs. Croyez-vous que le gardien m'a déjà couché sur son livre pour 6 francs, 5 sous de frais? Quoique j'ai raison, on est un homme ou on ne l'est pas. Je ne peux pas voir le gardien en peinture. Et voilà pourquoi je fais une demi-lieue de plus tous les soirs pour ne pas le rencontrer. Une demi-lieue de plus, dit monsieur Bretoncelle. Allez, payez vite, mon brave. Tenez, voilà 40 francs. Pendant que le paysan entre chez le juge de paix, émail, émail, émail, s'écrie l'agent de change à plusieurs reprises. Comme un ivrogne qui se gorge de vin à un tonneau, pendant l'absence des propriétaires, M. Bretoncelle prononce le plus souvent qu'il le peut le mot qui ne doit plus sortir de sa bouche jusqu'à la conclusion du marché. « J'ai payé !» s'écrie le paysan, qui revient radieux de la justice de paix. « Mais je me suis donné le plaisir de dire au gardien ce que je pense. Voilà le papier acquitté. Ah, les frais de justice, ça court plus vite qu'un lièvre. » Si le paysan montre la facture, il ne montre pas la monnaie de la pièce de 40 francs. Mais M. Bretoncelle se dit qu'il tient la femme, le mari, les enfants, et qu'il n'y a plus à revenir sur le marché. La dernière traite est dure. La nuit vient petit à petit. M. Bretoncelle tire sa jambe. Une dernière fois, il appelle à son aide le mirage de l'émail. Enfin, mourant de faim et de fatigue, l'agent de change arrive à la maison du paysan. Hé, femme, où es-tu? Voilà une robe qu'un monsieur t'apporte en cadeau. Une grande femme maigre ose à peine jeter un regard sur l'étoffe qui lui semble plus brillante que tous les tissus de l'Inde. Eh bien, tu ne dis rien. Remercie donc monsieur et donne-lui donc un banc. Il est un peu fatigué. Ce n'est pas la peine. Voyons cet l'objet en question. Ah, c'est juste. Où est-il? Les mioches auront emporté l'écuelle dans le clos. Ma femme va donc chercher l'antiquité avec quoi les enfants s'amusent. Monsieur est venu de la ville pour voir. La femme reste clouée contre le mur. C'est que, dit-elle, je l'ai donné aux bêtes. Un émail aux bêtes? S'écria monsieur Bretoncelle, perdant tout son sang-froid. « Ne trouvant plus la terrine de cochon, dit la femme, je leur ai taillé des pommes de terre dans l'écuelle. Mais ils auront altéré les mailles avec leurs groins, s'écrie monsieur Bretoncelle. La fermière semble interdite. Allume le crachet, femme, qu'on aille voir à l'étable. » La porte de l'étable est ouverte. Les cochons poussent des grognements. Le paysan les bourre de coups pour les écarter de leur plâtrée. « Voilà l'antiquité, » dit l'homme, après avoir jeté les rondelles de pommes de terre qui l'emplissent. « Ça !» s'écrie l'agent de change avec un cri de stupéfaction. L'émail, tant convoité, est une plaque d'assurance. Vernis, doré, avec une renommée dorée, des lettres au-dessous, bombée extérieurement, creuse intérieurement, tous les caractères dont M. Bretoncel avait inféré qu'il s'agissait d'un émail sorti des fabriques de Limoges. C'est en de telles circonstances que les amateurs reviennent au logis, l'oreille basse, l'œil morne, honteux, brisé de fatigue, sans illusion pour oublier la longueur de la route. Et c'est ainsi que revint M. Bretoncel, regrettant ses cadeaux et ses largesses.